L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. 26 et 27 avril à Lunéville, vous avez rendez-vous pour une nouvelle édition du Festival des Jeux et son village historique. Nous avons au téléphone Denis Gatineau, bonjour. Bonjour. C'est donc porté par l'association Utopia, ce rendez-vous. L'association Utopia, en quelques mots. Elle a été créée en 2017 par Virginie et Jérôme Théobald sur Lunéville, passionnés de jeux de société. Et puis en 2022, ils ont eu l'idée de créer un festival sur le thème du jeu. Alors pas que le jeu de société, mais tous les jeux, que ce soit vidéo et autres. Et puis depuis, ce festival se transforme, évolue, d'où une nouveauté en 2025. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Cette nouveauté, c'est un village historique qui sera rajouté à l'extérieur du réservoir, donc la salle à Lunéville, où on va pouvoir retrouver une dizaine de troupes multi-époques qui vont venir présenter la vie à travers les siècles et puis surtout les jeux de société qui sont liés par rapport à ces époques-là. Et puis des artisans, une vingtaine d'artisans qui seront là aussi, de différentes époques aussi, avec de l'artisanat local. Pourquoi avoir choisi d'avoir d'autres animations sur place? Utopia a participé au rassemblement multi-époque à Herbeville depuis le début. Et puis, ils ont eu l'idée de créer ce festival et puis de regrouper les deux animations en même temps pour faire un gros festival sur Lunéville, sachant que Lunéville est très, très riche en histoire avec le château. Donc, effectivement, retracer les jeux au travers du temps et permettre aux gens de pouvoir se reprojeter par rapport à tout ça, c'était un peu l'idée. C'est vrai que le lieu s'y prête particulièrement bien. Alors, revenons un peu sur ce qui va se passer à l'intérieur du réservoir. C'est ce festival des jeux. On va retrouver quoi comme type de jeu à l'intérieur? Alors vous pourrez trouver les jeux de société classiques, hein, avec tout un tas de personnes qui seront là pour les expliquer, des boutiques qui seront aussi présentes comme la Taverne du Gobelin pour pouvoir vendre les jeux et puis pouvoir les acheter surtout pour les gens, des murder parties le soir et puis la journée, et puis aussi tout un tas de tournois comme Blood Hums, Clock Shocker. Enfin, tout un tas de jeux comme ceux-ci qui seront là, avec des inscriptions à faire avant pour pouvoir jouer. Et puis des événements le soir aussi, où il y aura un repas à l'extérieur, par contre avec un concert jusqu'à 2h du matin. Qui s'adresse à tous les publics? Ah oui, surtout de 0 à 99 ans. L'intérêt, c'est de venir en famille, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pourrez aussi trouver, très intéressant cette année aussi, des auteurs qui seront là en dédicace, une dizaine, qui seront à l'intérieur du réservoir aussi. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, qui viendront présenter leurs œuvres. On est vraiment sur un panel assez large cette année pour ce festival. Parce que l'avantage de rendez-vous tel que celui-ci, c'est de pouvoir rencontrer les auteurs justement, qu'ils expliquent un peu leur travail, mais aussi d'avoir des gens qui connaissent déjà bien les règles et puis de pouvoir se lancer très vite dans des parties de jeux qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Et puis quand les bénévoles seront présents, on pourra expliquer les jeux. Donc ça évite de passer une demi-heure à regarder son téléphone ou la règle et de ne pas la comprendre. Donc c'est très rapide et c'est toujours plus ludique et plus intéressant pour les familles. Donc ça se passe à la salle Le Réservoir à Lunéville. Et vous l'avez évoqué bien sûr en début, c'est cette nouveauté. Je crois qu'il y aura près de 150 personnes en costume, c'est ça? C'est ça, entre les troupes, les artisans, les bénévoles, on sera en gros 150 sur le site en costume à l'extérieur. Et puis on fera quelques animations, comme du tir au canon, des présentations d'armes, etc. Donc c'est assez, c'est vraiment pour tout le public. Toutes les époques sont couvertes par une dizaine de troupes et de passionnés. Le dépaysement sera certainement garanti. Donc c'est les 26 et 27 avril. Les visiteurs sont toujours au rendez-vous d'une année sur l'autre. Là, vous allez peut-être encore toucher d'autres publics alors. La dernière édition avait fait à peu près 3000 entrées. On va espérer viser 5000 personnes, en attirant beaucoup plus de personnes sur le site. On ne l'a pas précisé, mais l'entrée est gratuite. Ça, c'est une volonté toujours de garder cette gratuité? Oui, c'est très important, parce qu'effectivement, les familles, quand on vient pour voir des festivals comme ça, on n'est pas là pour payer une entrée. Et donc nous, c'est plutôt la restauration, parce qu'il y aura une petite restauration. Il y aura deux repas sur réservation, le samedi soir et le dimanche midi, et le reste sera en petite restauration, ce qui nous permet de faire vivre le festival. Et donc, pour ces réservations, comment on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur Internet, sur la page de Utopia. Et Denis, alors vous avez dit qu'il y avait énormément de types de jeux qui étaient représentés. Vous, celui que vous aurez plaisir à partager ce week-end-là? Je suis un gros joueur aussi, hein, parce que je fais quand même pas mal de festivals juste avec ma famille pour aller jouer. Donc j'ai tout un tas de jeux comme Seven Wonders ou autres que je suis assez passionné. Donc je verrai en fonction de ce qui sera présenté et disponible. Utopia, donc, qui vous attend pour une nouvelle édition du Festival des Jeux et son village historique à ne pas manquer. Ce sera donc les 26 et 27 avril. L'entrée est libre. Un dernier mot peut-être, Denis Gatineau, pour donner envie aux auditeurs de venir vous rencontrer. Les horaires, donc le samedi, c'est important, de 13h jusqu'à 2h du matin. Et puis le dimanche, de 10h à 18h. Donc surtout, faut pas hésiter à venir en famille. Les ouvertures sont assez larges pour pouvoir profiter pendant plusieurs heures sur le festival, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, c'est ça Le Réservoir à Lunéville. Merci beaucoup, Denis. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.